La fourmi et le perdreau. Une fourmi tombe dans une ornière où il a plu et elle va se noyer, quand un perdreau qui buvait la pince du bec et la sauve. « Je vous la revaudrai, dit la fourmi. « Nous ne sommes plus, répond le perdreau sceptique, au temps de la fontaine. « Non que je doute de votre gratitude, mais comment piqueriez-vous au talon le chasseur prêt à me tuer? Les chasseurs aujourd'hui ne marchent point pieds nus. » La fourmi ne perd pas sa peine à discuter et elle se hâte de rejoindre ses sœurs qui suivent toutes le même chemin, semblables à des perles noires qu'on enfile. Or, le chasseur n'est pas loin. Il se reposait sur le flanc à l'ombre d'un arbre. Il aperçoit le perdreau piétant et picotant à travers le chaume. Il se dresse et veut tirer. Mais il a des fourmis dans le bras droit. Il ne peut lever son arme. Le bras retombe inerte et le perdreau n'attend pas qu'il se dégourdisse.